إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك Pour commencer, j'aimerais remercier les frères yani, de la mosquée qui ont permis yani, qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui, alhamdoulilah, pour faire ce petit rappel ensemble. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner al-ikhlas et la sincérité hein, dans nos paroles et dans nos actions, parce que c'est la base. Si nos actions ne sont pas basées sur al-ikhlas, eh bien, elles ne seront pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la base pour commencer. Donc, alhamdoulilah, je remercie aussi notre imam, l'imam de cette mosquée, pour le petit rappel qu'il nous a fait en introduction, parce qu'il a raison, c'est très important. Souvent on prend les choses pour acquis, on se dit je les connais, ces choses-là, je les ai déjà entendues, puis on dit j'ai pas besoin de prendre de notes, et puis on oublie. Donc, c'est très important de... Je me souviens quand j'étais à l'école, quand on était tout petit, le professeur il nous dit, quand le plombier il va travailler, il ne laisse pas son coffre à outils à la maison. Il part, il amène son coffre à outils avec lui. S'il part au travail, il n'amène pas son coffre à outils, il ne pourra pas travailler. Et l'outil de l'étudiant, c'est la plume et le papier. Ça c'est l'outil de l'étudiant. Donc quand il arrive, il essaie d'avoir toujours un papier et un crayon pour prendre note et pour essayer de d'écrire tout ce qu'il a besoin d'écrire pour se souvenir de ce qu'il a entendu. Donc ça c'est très important. Le cours qu'on va lire ensemble aujourd'hui en fait c'est l'explication du livre Masail al-Jahiliyyah. C'est un livre écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Masail al-Jahiliyyah. Et il a été expliqué par le cheikh Saleh al-Fawzan dans ce livre. Donc c'est un sharh de Masail al-Jahiliyyah. Et Masail al-Jahiliyyah, ce sont des points okay, qui étaient pratiqués par les gens dans l'époque pré-islamique. C'était des points ou des choses, des questions qui étaient disons pratiquées par ces gens-là à l'époque avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant la venue du Coran et avant la venue de la Sunna. Lorsque les hommes étaient dans l'ignorance par rapport à la religion et à la voie de vérité. Donc ils avaient des habitudes, ils avaient des pratiques, ils avaient des croyances, ils avaient des principes qu'ils suivaient, qui sont des principes d'ignorance, et ils se basaient là-dessus pour vivre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour opposer ces principes-là, pour opposer ces règles-là qu'ils ont ramenées. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il a fait rahimahullah, il a rassemblé la plupart de ces points-là, environ 128 points, il les a énumérés un par un, en tirant les exemples qui sont mentionnés dans les réponses au sujet de ces questions d'ignorance dans le Coran et dans la Sunna, hein, lorsque les mouchriquins et les kuffars ramenaient des shubuhat au sujet de la foi, au sujet de la vérité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre un verset pour réfuter cette shubha qu'il lançait ou cette ambiguïté qu'ils essaient de jeter pour essayer de mélanger ou de rejeter la vérité. Donc à chaque fois il y avait la réponse, soit que c'est une réponse qui vient du Coran, soit c'est une réponse qui vient dans la sunna, ou bien c'est une réponse qui vient dans les paroles des ulama qui clarifient les choses par rapport à ces shubuhat. Donc, déjà j'ai commencé le livre dans un séminaire que j'ai fait à Tourcoing. On a commencé les deux premiers points qui sont mentionnés par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le premier point concernait les questions de l'adoration des hommes pieux et des saints. Et ça, c'était la base du shirk qui était appliquée à l'époque des mouchriquines avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le shirk qu'ils pratiquaient était basé sur ça. Le fait de prendre entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs et des intermédiaires pour se rapprocher, soi-disant, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a clarifié cette question-là et leur a montré que c'était du shirk ce qu'ils pratiquaient. Et que si on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous le demande, on ne doit prendre entre nous et lui aucun intermédiaire, aucun associé, aucun partenaire, aucun intercesseur. On adore Allah subhanahu wa ta'ala directement. On passe pas par un prophète, on passe pas par un saint, on passe pas par une image, ou une statue, ou une idole, ou un arbre, ou une pierre, ou une roche, un mort, un saint, peu importe. On adore Dieu, on adore Allah subhanahu wa ta'ala directement. Ça c'est le premier point qu'il a mentionné parmi les masa'il de la jahiliya. Et il a expliqué que, Cheikh Al-Fawzan a expliqué qu'à notre époque, et depuis des siècles, des fois même on a vu pratiquer parmi certains groupes musulmans qui suivent des innovations, et des différentes formes de shirk, des gens qui adorent des tombes, des gens qui adorent des saints, et qui prétendent que ça c'est des choses qui sont permises en islam, et que ce sont des choses qui sont, du fait de respecter les hommes pieux, ou de leur demander des faveurs ou des intercessions. Et puis, le cheikh, il clarifie, il répond que ce que les mouchriquins faisaient avec les idoles, le fait de dire qu'ils étaient des intercesseurs entre eux et Allah, ce que les mouchriquins aujourd'hui font en adorant les tombes et les morts, c'est exactement la même chose que ce que faisaient les mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc on a clarifié ce point-là déjà avec plusieurs exemples, on a fait trois cours sur cet exemple-là. Ensuite, il y a eu la deuxième mas'ala, c'est la mas'ala ou le point qui parle de la question de la division et de la divergence. Et on a expliqué que les gens de la jahiliya, les gens avant l'islam, ils étaient tous divisés dans leur religion. Ils étaient tous divisés dans leur religion. Déjà, dans les choses qu'ils adoraient, ils étaient tous divisés. Certains adoraient les anges, certains adoraient les prophètes, certains adoraient les images, certains adoraient les statues, certains adoraient les pierres et les arbres, donc ils étaient tous divisés là-dessus. Et ils étaient tous divisés également dans leurs croyances aussi. Donc ils n'avaient pas les mêmes croyances, ils n'avaient pas les mêmes objets d'adoration, et ils étaient tous divisés également dans leur vie aussi par rapport à leur religion. En sectes et en groupes et en fractions et en toutes sortes de différentes pratiques et croyances. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour opposer ça. Et pour dire aux hommes, arrêtez, rejetez tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, tout ce que vous adorez, parmi les choses que vous adorez, et rejetez tout ça, et adorez Allah seul, et suivez l'exemple de tous les prophètes, c'est-à-dire le message de tous les prophètes, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça c'est la base du message de tous les messagers d'Allah. Alayhi salatu wa salam. Tous les messagers d'Allah sont venus avec la même religion de base. C'est l'islam. Hein? C'est le tawhid. Tous les prophètes sont venus avec la même religion. Donc, l'islam ordonne à l'humanité de s'unir tous ensemble, tous les êtres humains sur la terre, pour être tous ensemble sur la même foi, la même aqidah, la même pratique religieuse. Hein? Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences entre les hommes sur ces questions-là. Puis après, il a élaboré, Cheikh Al-Fawzan, il a élaboré sur les questions de divergence dans les questions entre les musulmans, dans les questions de fiqh, qu'est-ce qui est permis dans ces divergences-là, qu'est-ce qui n'est pas permis. Puis, donc il a clarifié ces choses-là en détail, on a fait sur ce cours-là environ deux cours. Donc ça, c'était le début du livre, les deux premiers points. Maintenant, on arrive, je vous explique donc pour que vous sachiez où on est rendu dans le livre, et c'est le troisième, la troisième mas'ala parmi les mas'ala de la jahiliya. اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة وطاعته والانقياد له ذلة ومهانة. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils considèrent les gens de la jahiliya, les gens avant la venue du Coran, avant la révélation du Coran, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils considéraient que de contredire celui qui est au pouvoir, celui qui est responsable, ils considéraient que de le contredire et de lui désobéir, c'était quelque chose qui était méritoire, c'était quelque chose qui était bien, hein, c'est comme quelque chose qui est un mérite, quelque chose de bien pour eux. Et d'obéir aux dirigeants, ils considèrent que c'est une sorte d'humiliation, une sorte de rabaissement. Donc pour eux, l'obéissance aux dirigeants, c'est mauvais, et la désobéissance aux dirigeants, c'est bien. C'est ça le bien pour eux. Ça c'est dans la jahiliya. Maintenant on va lire qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit à ce sujet-là. Il dit, المسألة الثالثة إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم روى أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. Donc qu'est-ce que ça signifie ce point-là, cette masala? Donc le troisième point, le chef il dit que les gens de la jahiliya, ils considéraient que de contredire le dirigeant musulman, hein, ou de contredire leur dirigeant à l'époque, parce que c'était les gens de la jahiliya, ils considéraient que de contredire le dirigeant ou celui qui est responsable ou qui est au pouvoir, que c'est quelque chose de bien, de méritoire, de courageux, de force, d'intelligence, pour eux c'est ça. Et ça vous le voyez encore aujourd'hui, hein, chez des gens parmi les kuffars, et même parfois certains intellectuels parmi les musulmans, qui vont dire celui qui est intelligent n'obéit pas, il est indépendant, autonome, il n'écoute personne, il n'obéit qu'à lui-même, il suit ses désirs et ses passions, il n'obéit pas aux dirigeants. Et celui qui est bête, qui est idiot ou qui est soumis, servile, lui il écoute aux dirigeants, il est innocent, hein, il est niya, comme il y en a qui vont dire, il est niya, hein, il écoute, il obéit. Il n'est pas intelligent. Et ça, c'est la mentalité des gens de la jahiliya qui pensent ça. Pour eux, obéir à un dirigeant, c'est mal. Désobéir aux dirigeants, c'est bien vu. Ça prouve que tu es intelligent. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a contredit les gens de la jahiliya dans ce point-là. Et il a ordonné d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et de leur donner le bon conseil. Et de leur faire la nasiha. Hein? Ça, c'est le contraire de ce que certains aujourd'hui imaginent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis beaucoup d'importance et d'insistance sur ce point-là. Et il a appelé à ça. Et il a répété ça plusieurs fois dans les hadiths. On a beaucoup d'exemples de ça. Donc, ça c'est le troisième point parmi les masa'il de la jahiliya, qui sont, c'est les trois premiers points par lesquels le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a commencé son livre. Et il a commencé son livre par ces trois sujets-là. Pourquoi? Parce que ces trois sujets-là sont mentionnés ensemble dans un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam muslim, qui dit, hein, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ces trois points, dans un hadith sahih, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala agré pour vous, ou est satisfait pour vous de trois choses. Premièrement, que vous l'adoriez et que vous n'associez rien avec lui. « Anta'abudu wa la tushriku bihi shay'a » Ça, c'est le premier point qu'on a vu dans les Masa'il al-Jahiliya. Il a parlé du fait que les gens de la Jahiliya, ils prenaient des hommes pieux et des saints comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça, c'est le shirk. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire ça. Et il est venu dire aux hommes, adorez Allah seul et ne faites pas de shirk avec lui. N'associez rien avec lui dans votre adoration. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est mentionné dans le hadith, وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et que vous vous cramponniez tous ensemble sur le câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas, vous ne vous divisez pas dans la religion. Donc, on s'accroche tous ensemble au câble d'Allah et on n'a pas le droit de se diviser dans la religion. On n'a pas le droit de se diviser dans la religion. Hein? Un tel, il a une aqidah, un tel, il a une pratique, un tel, il a une croyance, et tout le monde est divergent, tout le monde suit un groupe, tout le monde suit une secte ou une tendance différente. Et on prétend, on est tous musulmans, mais on est tous divisés, différents. Un tel, il suit un groupe, un tel, il suit un groupe, un tel, il suit un groupe, un tel, il suit un cheikh, un tel, il suit un cheikh. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous des différences croyances, des différences dans leurs croyances, des différences dans leurs principes ou dans leurs pratiques. Hein? Ça, c'est pas permis. Il faut tous être unis sur la vérité. Et on n'a pas le droit de se diviser dans la religion. C'est haram. C'est haram, la division. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point est que vous donniez la nasiha à ceux d'entre vous qui ont le commandement et qui sont vos responsables, vos dirigeants, ceux qui ont le commandement dans, parmi vous. Ceux à qui Allah a donné le commandement. Vous devez leur obéir et vous devez leur donner la nasiha. Dinun nasiha. Et le cheikh, il conclut ce point-là en disant que si les gens ont eu un problème, une défaillance, une faiblesse ou quelque chose, un problème dans leur religion ou dans leur dunya, c'est uniquement à cause du fait qu'ils ont eu des problèmes dans l'application de ces trois points-là ou d'un d'entre ces trois points-là qui sont mentionnés dans ce hadith. Et ça, c'est la vérité. Ce que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a dit dans ce point-là, ça, c'est la vérité. Parce qu'on remarque que les problèmes qui sont rentrés dans la Ummah, souvent c'est toujours causé à cause du fait qu'on n'a pas respecté un de ces trois points-là. Hein. Et ces trois points-là sont les bases de la Sunnah, sont les bases du manhaj des Salaf al-Salih. Hein. Ce qui est les Salaf al-Salih. Hein. On entend souvent cette parole maintenant. Il y en a qui le connaissent, alhamdoulilah, il y en a qui ne le connaissent pas. Et quand ils l'entendent, des fois, ils sont étonnés ou surpris. Les Salaf al-Salih, ce sont les Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba. Et les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les élèves des sahaba. Donc ce sont eux les salafs. Et donc, ça c'était parmi leurs principes fondamentaux. Et c'était les bases sur lesquelles ils ont établi leurs principes et leurs da'wah dans la religion de l'islam. Donc ça c'est fondamental de le comprendre. Le cheikh il explique maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il explique cette mas'ala. Il explique ce point-là parmi les points de la jahiliya. Il dit من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر ويرون أن هذا ذلة ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة وحرية ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير لأنهم لا يخضعون عندهم أنفة وكبر لا يخضعون وعندهم أنفة وكبر فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلم لما في ذلك من المصالح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأمر بطاعة ولاة الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك في غير المعصية فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال إنما الطاعة بالمعروف فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله إذا أمر بمعصية فلا يطاع ولكن يخالف في بقية الأمور لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية أما بقية الأمور فلا تنتقد بيعته بسبب ذلك فلا تنتقد بيعته بسبب ذلك ولا يخالف ما دام أنه على الإسلام لما في طاعة ولاة الأمور من الاجتماع من اجتماع الكلمة وحقن الدماء واستتباب الأمن وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق إلى أصحابها والحكم بين الناس بالعدل حتى لو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه حتى ولو كان فاسقا ما لم يصل إلى الكفر قال كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان فما دامت معاصيه دون الكفر فإنه يسمع له ويطاع وفسقه على نفسه ولكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point parmi les points très importants dans notre religion, que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on néglige, ou même parfois on ignore, ou même parfois on n'a pas compris. Hein? Les gens, ils pensent que l'islam c'est une religion de chaos, de désordre, hein? D'indiscipline, chacun fait ce qu'il pense, chacun fait ce qu'il veut, on n'a pas à obéir à personne, on n'a pas à respecter personne. Ça c'est pas correct. Ça c'est une fausse compréhension de... des principes de l'islam. Au contraire, l'islam est venu avec l'ordre, avec le respect, avec la discipline, hein, avec l'obéissance, avec l'écoute de ceux qui sont à notre tête et qui nous dirigent. C'est ça que l'islam est venu amener. Contrairement aux gens de la Jahiliya, comme on l'a dit, qui ne faisaient que se disputer entre eux, se combattre les uns les autres, de se diviser, d'être toujours dans les problèmes, hein. Personne ne veut obéir à l'autre, tout le monde veut être le chef. Hein, comme on dit au Québec, nous on a une expression au Québec, il y a trop de chefs, il n'y a pas assez d'Indiens. Il y a trop de chefs, il n'y a pas assez d'Indiens. Tout le monde veut être le chef. Personne ne veut être parmi les gens qui sont les citoyens ordinaires. Hein. Tout le monde veut être le chef, tout le monde pense qu'il est plus intelligent que les autres. Et on a cette mentalité-là. Et même aussi, ça fait partie des symptômes des peuples qui ont été colonisés parfois. Quand ils ont été colonisés et que le maître colonisateur est parti, ils ont laissé tout le monde errer comme ça. Tout le monde s'imagine qu'on est tous aptes à être le chef. Et tout le monde peut être le chef, personne ne mérite d'être plus, d'être en position d'autorité par rapport aux autres. Hein? Et quand quelqu'un est au-dessus, il le regarde et dit, mais pourquoi lui il est là? Moi aussi je peux être là. C'est comme ça que les gens pensent aujourd'hui. Ça, c'est la mentalité de la Jahiliya. Les chefs, je dis, parmi les questions de la Jahiliya, c'est qu'ils ne veulent pas se soumettre à un dirigeant. Ils considèrent que c'est quelque chose de rabaissant, quelque chose d'humiliant. Et pour eux, de désobéir au dirigeant, ils considèrent que c'est quelque chose de méritoire, quelque chose de la liberté. Hein? On est libre. Hein? C'est ce qu'ils disent. Et c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas de se réunir autour d'un imam, d'un chef, d'un président, d'un sultan, d'un Khalifa ou un dirigeant, ou peu importe comment on l'appelle, un roi, c'est la même chose. Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à personne. Ils ont de l'arrogance, ils ont de l'orgueil, ils ont de la fierté en eux. Ils n'acceptent pas l'autorité. Hein? C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui dans les systèmes idéologiques et philosophiques que les koufars suivent aujourd'hui, les anarchistes. Hein? Les anarchistes, c'est ceux qui prônent l'anarchie, ils ne veulent pas se soumettre à personne. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de principe. Non, on fait ce qu'on veut, chacun est libre. Ça c'est contraire à l'islam, ça c'est la jahiliya, c'est ça l'anarchie. Donc l'islam est devenu pour contredire ces gens-là, et pour ordonner d'obéir, d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans. Pourquoi? Parce que dans le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans, il y a un bienfait là-dedans. Il y a un bien là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 59, dans surat al-Nisa, « Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont le commandement. » Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir à ceux d'entre nous qui ont le commandement. Mais bien entendu, il y a une condition, une restriction dans cet ordre. Parce que dans le verset, on peut le constater, il y a la répétition du verbe impératif de l'obéissance. Ati'u. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah. Wa ati'u Rasul. devant le mot, devant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le verbe impératif obéissez. Et devant le nom du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a le verbe impératif obéissez. Ça veut dire obéissez à Allah et obéissez au messager sans condition, aveuglément. Quand l'ordre vient d'Allah, quand l'ordre vient du messager, on obéit aveuglément. Wa ulil amri minkum, et ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, il n'y a pas le verbe répété, le verbe impératif obéissez devant ulil amri minkum. Et les ulama ont expliqué que la raison pourquoi il n'y a pas ce verbe-là qui est répété devant les dirigeants ou ceux qui ont le commandement parmi nous, c'est parce que leur obéissance, elle est conditionnée. Elle est limitée par rapport à l'obéissance à Allah et au messager. Si ce qu'il nous ordonne de faire est en accord, hein, dans le sens que si c'est en accord avec l'islam, on leur obéit. S'il nous ordonne de faire un péché, on n'a pas à les obéir dans le péché. Et c'est ça que le cheikh il explique ici, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a limité cet ordre d'obéir aux dirigeants tant que ce n'est pas dans le péché. C'est-à-dire tant qu'il nous ordonne de faire quelque chose qui n'est pas un péché. Et il mentionne un hadith rapporté par l'imam Ahmad qui a été authentifié dans Sahih al-Jami'a, qui dit, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc si une créature d'Allah t'ordonne de désobéir à Allah, tu dis non, je n'obéis pas. J'obéis à Allah, et si tu m'ordonnes de faire le bien, je t'obéis, mais si tu m'ordonnes de désobéir à Allah, je ne t'obéis pas. Peu importe qui tu es. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à nos parents. Il dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. On a ordonné, on a enjoint à l'être humain d'être bon envers ses parents. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et si ils font des efforts pour essayer de te faire associer à moi ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Donc quand ils t'ordonnent de faire un péché, tu dis non. Même si ce sont tes parents, tu les aimes, tu les respectes, ce sont tes parents. Mais ils te demandent de faire le haram, désobéir à Allah, de désobéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, je ne peux pas vous obéir là-dedans. Je vous obéis dans tout le reste qui est bien, mais pas dans ça, pas dans le haram. Hein? Et donc, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. La même chose pour la femme. Elle doit obéir à son mari dans ce que son mari lui ordonne de faire de bien. Hein? Mais s'il lui dit fais un péché ou fais quelque chose qui est haram, elle n'a pas le droit d'obéir. C'est haram pour elle d'obéir et de faire le haram. Elle n'a pas le droit. Donc l'obéissance à la créature, c'est uniquement dans les limites de ce que Allah nous a permis. Et il y a l'obéissance aussi aux dirigeants. Et ça, c'est de ce qu'on est en train de parler maintenant. C'est la même chose. Le dirigeant, il t'ordonne de faire quelque chose, tu dois obéir. Tu écoutes et tu obéis. Sauf s'il te demande de faire le haram, là tu désobéis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et aussi par l'imam muslim, qui est un hadith sahih, « Innama ta'atu fil ma'ruf » ou « bil ma'ruf ». Innama ta'atu bil ma'ruf, c'est-à-dire l'obéissance est uniquement dans ce qui est bien, dans ce qui est ma'ruf. Et qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui dans les pays musulmans par rapport à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des fois on remarque que pour certains musulmans c'est le contraire qu'ils font. C'est-à-dire que quand le dirigeant il nous ordonne de faire quelque chose de bien, on désobéit. Et quand il nous ordonne de faire quelque chose de mal, de haram, on obéit dans le haram. C'est le monde à l'envers. Hein? Quand il nous ordonne de faire le bien, on dit ah, je ne veux pas obéir. Quand il nous ordonne de faire ce qui est haram, les gens ils se soumettent et ils obéissent. Alors qu'ils devraient désobéir dans ce moment-là. Puisque ça, c'est pas permis d'obéir aux dirigeants lorsqu'ils nous ordonnent de faire ce qui est haram. D'accord? Et on voit tous les exemples dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des versets dans lesquels il mentionne, par exemple, des peuples qui sont dans l'enfer, et dans l'enfer, il y a les chefs, les puissants, et il y a les faibles qui les ont suivis. Et les faibles et les forts, ils s'envoient des blâmes et des critiques, et ils s'accusent les uns les autres. Les faibles, ils disent, c'est à cause de vous qu'on est en enfer, parce que vous nous avez ordonné de désobéir à Allah, et vous nous avez interdit d'obéir à Allah. Et les forts, ils disent, non, mais nous, on vous a ordonné, mais vous avez choisi de nous obéir, c'est vous qui êtes responsable. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi dans le haram, ils ont obéi dans le mal, ils ont obéi dans le péché, alors qu'ils n'étaient pas obligés d'obéir. Et c'est la même chose, le shaytan, hein? كما فعل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين والشيطان c'est ce qu'il fait. Il vient voir l'être humain et lui dit rejette la foi. Et quand l'être humain a rejeté la foi, il dit moi je suis innocent de toi, moi je crois à Allah, le Seigneur des mondes. Donc c'est pour dire il t'a pas forcé, c'est toi qui a obéi, hein. Et au jour de la résurrection, le shaytan il se désavoue de ceux qui l'ont obéi. Et dit, je vous ai seulement inspiré ou soufflé de faire ces choses-là, et puis vous m'avez obéi, vous m'avez suivi, je ne vous ai pas forcé. Hein? Donc c'est comme ça. Au jour de la résurrection, il n'y aura pas d'excuse pour celui qui dit, ah mais ils m'ont dit de faire ça. Et ça s'applique partout. Hein? Donc quand le dirigeant, il t'ordonne de faire le bien, tu l'obéis. Et tu le suis dans qu'est-ce qui est bien. Et s'il t'ordonne de faire le haram, tu dis non, je n'obéis pas dans le haram. Hein? Donc le cheikh, c'est ce qu'il dit, c'est obligatoire d'obéir aux dirigeants, hein, quand ils ne nous ordonnent pas de faire un péché. Et s'ils nous ordonnent un péché, on ne l'obéit pas. Mais dans le reste, en dehors de ce péché-là, on continue à l'obéir dans qu'est-ce qui est bien. Mais seulement dans ce péché-là, on cesse de l'obéir. Hein? Il y en a qui pensent que si le dirigeant il ordonne de faire un péché, ça y est, c'est fini, on ne l'obéit plus dans rien du tout. On rejette complètement son autorité en entier. Non, on ne rejette pas son autorité en entier. On rejette seulement de l'obéir dans ce point-là en particulier qu'il nous a ordonné de désobéir à Allah. Mais dans le reste de ce qu'il nous demande de faire, hein, on l'obéit. Parce que sinon, il y aura le chaos dans la société. Hein? Et quand on dit obéir au dirigeant, c'est d'obéir pas seulement quand le dirigeant dit faites quelque chose, mais ça implique également de respecter toutes les règles, toutes les lois et le système qu'il nous ordonne de respecter. Hein? Même par exemple, si le dirigeant dit bon, le lundi et le jeudi, on va ramasser les déchets. Vous jetez pas vos déchets n'importe quel endroit dans la rue, devant la fenêtre, sur le trottoir, dans les parcs, n'importe où, non. Vous prenez vos déchets, vous les mettez à cet endroit-là précis. Alors, dans ce cas-là, c'est obligatoire d'obéir aux dirigeants dans cet ordre-là. Tu vas pas dire non parce qu'il a fait un péché, je vais pas l'obéir, je vais pas mettre mes déchets là, je vais les jeter dans la rue. Hein? Ça c'est pas la discipline, c'est pas l'ordre. Quand le dirigeant il a dit on va mettre des feux de circulation, on va mettre une pancarte, pas de stationnement ici, mais tu dois écouter et obéir au dirigeant dans cet ordre qu'il t'a donné. Tu vas pas dire non, je veux pas obéir, je veux pas respecter ce qu'il dit. Là tu as désobéi au messager sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il t'a ordonné d'obéir au dirigeant. Et ça c'est un bien pour toi, et c'est un bien pour la société. Hein? Alors dans ce cas-là, tu dois l'écouter, tu dois l'obéir. Les musulmans aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris rien de ce principe-là. Ils pensent que les questions d'obéir aux dirigeants, c'est seulement dans les questions de la religion. Mais même dans les questions de la dunya, tout ce qui est bon, on doit obéir aux dirigeants là-dedans. Et si on respecte l'ordre, c'est là qu'il va y avoir de l'ordre dans la société. C'est là qu'il va y avoir de la discipline, c'est là qu'il va y avoir de la propreté, c'est là qu'il va y avoir de la gestion. Hein? C'est là qu'il va y avoir de l'organisation, c'est là qu'il va y avoir du respect. Mais si on cesse de, d'obéir aux dirigeants, puis que chacun veut faire à sa tête, dit, ah, il a dit on ne stationne pas ici, moi je me stationne ici. C'est moi le, l'intelligent. C'est moi le fort. C'est moi le libre. Je fais ce que je veux. J'obéis pas à personne. Et ça, c'est la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Ça, c'est la mentalité des gens de la djahiliya. C'est pas la mentalité de ce que l'islam est venu nous enseigner. Hein? Donc ça c'est l'exemple, le chef il nous dit, donc obéir aux dirigeants, hein, dans ce qu'il nous ordonne de faire qui est bien, mais s'il nous ordonne, parmi les choses qu'il nous ordonne de faire, s'il y en a des choses qui sont haram, ben les choses haram, on n'obéit pas, pas d'obéissance dans le haram, hein. Donc, c'est dans ce point, dans, la, dans le point en particulier, dans lequel il y a un péché, on n'obéit pas, mais le reste des affaires, hein, alors on continue à l'obéir. Quand on a donné notre serment d'allégeance à un imam ou un dirigeant dans un pays musulman, celui qui est le chef de l'État, hein, le président officiel, eh bien dans ce cas-là, on doit l'obéir. Et le fait qu'il nous ordonne de faire un péché ou qu'il fasse de nous ordonner de faire quelque chose qui est haram, eh bien ça ne fait pas détruire complètement cette, ce serment d'allégeance ou cette, ce pacte d'allégeance qu'on a avec lui. Il reste quand même ce pacte, sauf qu'on ne va pas l'obéir dans ce péché-là en particulier. Contrairement aux voies d'égarement, aux voies d'ignorance, parmi les voies d'ignorance chez les Khawarij, hein, secte, parmi les sectes d'égarement, eux ils disent on n'obéit pas aux dirigeants si il fait un péché, il devient kafir. Et c'est fini, on ne l'obéit plus jamais. Hein. Et si dans un pays musulman il y a un péché ou deux péchés ou quelques péchés dans la société, ça y est, c'est pas un pays musulman, c'est un pays de kouf pour eux. Hein? Ça c'est la voie des Khawarij, c'est pas la voie des musulmans. Hein? Même s'il y a des péchés, ça fait pas qu'ils sortent de l'islam. Hein? Nous-mêmes on fait des péchés. Est-ce que quand on commet des péchés, on va devenir des koufars? Non. Tant qu'on n'a pas fait quelque chose qui est kouf akbar ou shirk akbar, hein? On reste encore dans les limites de l'islam, donc on est musulman. Hein? Et le dirigeant, la même chose. Et on doit l'obéir dans le bien tant qu'il reste dans cette voie, comme le cheikh l'a expliqué. Donc, tant qu'il, hein, tant qu'il reste sur l'islam, hein, on obéit aux dirigeants. Pourquoi ? Pour pouvoir réunir la parole des musulmans ensemble, pour qu'il y ait de l'union et de la division. Hein, pour ne pas diviser les musulmans. Sinon, qu'est-ce qui se passe après ? Il y en a qui veulent diviser la communauté. Ils appellent à l'indépendance, ils appellent à la division, ils appellent à la séparation, après ils veulent diviser les musulmans à cause de ça. Ils disent, on ne reconnaît plus ce, ce dirigeant-là, on veut se séparer, on veut remettre en question son autorité, on veut se rebeller contre lui, on veut prendre, lui enlever son, son pouvoir et son autorité. Ça crée de la division entre les musulmans et ça divise la Ummah. Et c'est comme ça que ça commence, hein. Donc, on veut réunir les musulmans. On veut protéger le sang des musulmans pour ne pas faire couler le sang des innocents. Parce que quand il y a des révoltes, quand il y a des révolutions, quand il y a des rébellions, eh ben ça fait couler le sang des innocents. Et une seule goutte de sang d'un musulman, c'est plus, ça a plus de valeur que toute cette dunya au complet. Toi, tu vas la faire couler, cette goutte de sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith, la yazal al muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Il dit, le musulman il est toujours en repos, en paix dans sa religion, hein, tant qu'il n'a pas fait couler une goutte de sang haram, une goutte de sang illicite. Donc de faire couler le sang, c'est parmi les plus grandes kabair, d'appeler à la rébellion, à la révolte. Ces choses-là, c'est ce qui fait couler le sang des musulmans, ça c'est haram. Il faut faire protéger le sang des musulmans, contrairement à ceux qui ont appelé à la contradiction du dirigeant. Et on a vu des exemples de ça, je pense que vous êtes tous au courant. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres pays musulmans dans l'histoire. C'est pas une goutte de sang qu'on a fait couler des musulmans, c'est des rivières de sang qu'on a fait couler. Hein? Ceux qui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils vont répondre à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection pour tout ce sang qui a coulé c'est pas n'importe quoi, hein, c'est très grave, mais on prend ça à la légère, comme si c'était rien. Donc, comme le cheikh dit, ça fait protéger le sang des musulmans, ça établit la sécurité dans le pays. Quand tu sors de chez toi, t'es en paix, t'es en paix pour ta maison, t'es en paix pour ta famille, t'es en paix pour ton commerce, pour l'argent que tu possèdes, pour la marchandise que tu veux vendre. Tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir voler, qui va venir te prendre ta table, tes biens, parce que tu sais qu'il y a une justice, tu sais qu'il y a une paix, une sécurité dans la société. C'est ça que l'islam est venu amener, contrairement à la djahiliya. Comme on a commencé à expliquer, le fait qu'on obéisse aux dirigeants musulmans, c'est quelque chose qui ferait que les musulmans se réunissent. Ça unit leurs paroles, hein, ça unit leur position, ils deviennent unis. Et ça protège le sang des musulmans, ça établit la sécurité dans la société, et ça fait en sorte que on peut établir la justice par la suite. C'est-à-dire que si quelqu'un a subi une injustice, eh bien, il y aura une justice qui pourra être établie de la part du dirigeant. Parce que qui est-ce qui établit la justice dans la société? C'est le dirigeant, hein? C'est les juges, c'est le système judiciaire qui est établi selon le Coran et la Sunna dans l'islam. Qui peut établir ces peines et ramener ou redonner aux opprimés la justice qui leur a été enlevée? C'est le responsable des musulmans, c'est le dirigeant. Hein? Donc sans dirigeant, il ne peut pas y avoir de justice. Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de dirigeant? C'est le chaos en fait. Ça veut dire que les gens commencent à se venger par eux-mêmes. Quelqu'un t'a fait un mal, tu te venges toi, par toi-même pour avoir ta justice. Tu te fais ta justice toi-même. Ça, c'est la djahiliya. Ça, c'est des exemples de la voie des gens de la djahiliya avant l'islam. Quand quelqu'un te faisait quelque chose de mal dans la djahiliya, tu t'arranges toi-même. Tu règles tes comptes tout seul. Quelqu'un, il t'a frappé, tu le frappes. Quelqu'un, il a tué ton frère ou tes proches, tu vas le tuer ou tu vas tuer un de ses proches. Hein? Comme ça se passe encore aujourd'hui dans certains pays où ils font des vendettas ou des trucs comme ça. Hein? On a souvent entendu parler de ces histoires. Il a tué quelqu'un de ta famille, toi tu vas tuer quelqu'un de sa famille. Et ça c'est les gens qui veulent faire leur propre justice. Ça c'est la djahiliya. Dans l'islam c'est pas comme ça. Dans l'islam, si quelqu'un t'a fait du mal, tu vas voir les autorités, tu vas voir le responsable, et tu fais en sorte que la justice soit établie, mais c'est le responsable du musulman qui va faire établir cette justice-là. C'est pas toi-même qui va le faire, cette justice. C'est pas toi-même qui va faire ta justice. D'accord? Sinon, ça va être le chaos. Chacun va juger, va décider par lui-même. Hein? Qui doit être puni, qui doit pas être puni, c'est qui est-ce qui va décider ça? Hein? Nos désirs, nos passions. Et ça amène une sorte de réaction en chaîne par la suite, on ne peut plus l'arrêter quand ça commence. Mais quand c'est le dirigeant qui établit la justice, alors il y a un ordre, il y a un respect. Hein, et ça règle les problèmes, ça établit la justice dans la terre, sur la terre. Et on remet aux personnes qui ont été brimées dans leurs droits, on leur remet leurs droits. On établit donc la justice de cette manière-là. Et c'est ça ce qui fait que la justice est établie entre les hommes. Donc, ça c'est le principe de l'islam, ça c'est la voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu amener. C'est ça qu'il a apporté avec lui. Contrairement aux gens de la djahiliya, qui étaient dans, comme on a dit, dans le chaos et dans le désordre. Et le cheikh al-Fawzan, il dit, même si les gens, hein, ils voient que leur dirigeant, il n'est pas un bon pratiquant, il n'est pas un bon musulman, il a des fautes, des péchés, ou des choses qui sont contraires à l'islam, hein, ils vont pas rejeter de lui son autorité et son obéissance. Même si c'est un fasiq, même si c'est un pécheur, même si le dirigeant, vous le voyez par exemple, avec des femmes qui sont pas sa femme, ou bien vous l'avez vu boire de l'alcool, ou bien vous l'avez vu faire des grands péchés, kaba'ir, malgré ça, tant que c'est pas kufr, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas établi quelque chose de kufr, vous continuez à l'écouter et à l'obéir dans le bien. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, écoutez et obéissez aux dirigeants, excepté ou jusqu'à ce que vous voyez un kufr clair, au sujet duquel vous avez une preuve évidente venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'obéissance aux dirigeants, elle est obligatoire. Même s'il fait des péchés, tant que ce qu'il a fait, ce n'est pas un acte de kufr clair, apparent, évident, avec une preuve du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, ou bien un shirk majeur, quelque chose de ce genre. Donc ça c'est important. Et puis c'est pas n'importe qui établit le verdict, comme certains aujourd'hui qui se précipitent parmi les jeunes qui suivent la voie des khawarij, qui voient un dirigeant faire quelque chose qui est péché ou qui est haram, et qui jugent par la suite que automatiquement c'est un kafir. Ou bien qu'ils disent, bon, dans ce pays-là, il n'y a pas la charia qui est appliquée à 100%, si ce n'est pas appliqué à 100%, donc c'est un kafir. Non, ça c'est le jahl. Ça c'est l'ignorance. Et ce n'est pas ça que les ulama disent. Hein? Et sinon, alhamdoulilah, retournez au verdict des ulama. De toute façon, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a épargnés de cette responsabilité-là, de faire des jugements sur les gens, puisqu'il ne nous a pas mis dans cette position-là, puisqu'on n'est pas des ulama. Et les ulama, c'est eux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont le plus de ilm de cette religion, et qui savent le mieux comment l'appliquer et comment l'expliquer. Donc, c'est eux qui ont la priorité sur nous. Si eux, ils le disent, on le dit. Si eux, ils ne le disent pas, on ne le dit pas. Et on suit nos ulama, et on écoute nos ulama. C'est eux qui vont nous montrer la voie droite en ce qui concerne ces questions-là. Et c'est eux qui ont les aptitudes et la capacité de comprendre ces principes et de les faire appliquer sur les individus qui le méritent réellement. C'est pas selon nos perceptions ou nos impressions ou nos idées. On n'a pas la connaissance nécessaire pour l'appliquer si on se limite juste à notre propre compréhension, parce que notre compréhension elle est limitée. Donc le cheikh il dit, tant que l'individu a fait des péchés qui sont moins graves que le kufr, alors on doit l'écouter et on doit l'obéir, ce dirigeant, et son péché il va revenir contre lui-même. Mais son autorité et son obéissance, c'est pour le bien et la maslaha de tous les musulmans en entier. D'accord? Et ça c'est très important. Hein? Donc, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ce sujet-là et qui clarifient ce sujet-là. Vous allez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Il a dit, innakum satarawna umuran tunkirunaha. Satarawna atharata umuran tunkirunaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Il a dit, vous allez voir des dirigeants qui vont se donner des privilèges dans la dunya. Athara. Athara, l'imam al-Nawawi, il a expliqué que les ulama, ils disent à propos de ce mot athara, c'est-à-dire ils se gardent pour eux toutes les richesses, toutes les bonnes choses de la dunya, ils les gardent pour eux. Et ils ne vous donnent rien de votre droit. Il nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va y avoir des dirigeants comme ça. Et vous allez voir des choses de la part de ces dirigeants-là que vous allez condamner. Que vous n'allez pas accepter, que vous n'allez pas aimer. Il nous a déjà averti que ça allait arriver. Aujourd'hui, tu vois des musulmans qui te disent, ah, mais les dirigeants, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait dit ça déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déjà averti que les dirigeants, ils vont faire ça. Mais il nous a dit, quand vous allez voir qu'ils font ça, comment ils vont agir avec eux? Il a dit, vous écoutez et vous obéissez. Et vous faites preuve de patience et d'endurance. Et vous ne retirez pas votre main de leur allégeance et de leur obéissance. Ça c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la voie des salaf al-salih. Les khawarij, eux, c'est le contraire. Tu vois le dirigeant, il fait des péchés. Il garde la richesse pour lui, il ne donne pas au peuple. Il fait l'injustice. Comme Abu Dhul Khuwaysira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il distribuait le butin. Il a donné à certains, il n'a pas donné à d'autres. Dhul Khuwaysira, ce khariji, ce munafiq, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. » Oh Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si moi je ne suis pas juste, qui d'autre va être juste? Je suis le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a fait confiance pour la transmission de son message et de sa révélation. Alors si lui me fait confiance dans ça, alors est-ce que vous n'allez pas me faire confiance dans la distribution des biens? Donc ils ont jugé eux que si, hein, lui il a jugé, Dhul Khuwaysira, que si la richesse n'était pas distribuée égale pour tout le monde, et que ce n'était pas l'égalité, hein, et la justice sociale, comme ils disent les socialistes aujourd'hui, que tout le monde n'est pas riche, hein, on ne donne pas à tout le monde la même chose, il a dit, ça c'est pas la justice. Il a dit, oh Mohammed, t'as pas été juste. Hein? Imaginez quelqu'un qui accuse le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'injustice. Hein? Les sahabas, ils étaient tellement en colère quand ils ont entendu ça. Ils ont dit, oh messager d'Allah, s'il te plaît, laisse-moi frapper cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, laisse-le. Il y a des gens qui vont sortir de cet individu-là. Hein? Quand vous allez les voir prier, vous allez penser que vous ne priez jamais. Tellement que vous allez voir comment ils sont extrêmes dans la prière. Quand ils jeûnent, vous allez dire, vous, nous, on ne jeûne pas, par rapport à leur jeûne. Quand ils récitent le Coran, vous allez dire, c'est comme si nous, on n'a jamais récité le Coran, tellement ils récitent le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge, ça ne va pas dans leur cœur, ils le récitent, mais sans aucune compréhension. Hein? Et ils vont quitter l'islam comme la flèche quitte son arc. Et les ulama ont expliqué, hein, que c'est comme la flèche, quand elle sort de son arc, elle sort tellement rapidement, elle passe à travers la proie, et quand elle traverse la proie, il n'y a aucune trace de sang dessus, il n'y a rien qui reste. C'est comme s'ils ont passé à travers, comme s'ils n'ont rien gardé en eux de l'islam. Ils sont sortis complètement. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette catégorie-là d'individus aujourd'hui, qui existent. À notre époque encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'ils allaient sortir à chaque époque. Et on les remarque encore aujourd'hui. Ils ne regardent que les fautes des dirigeants. Ils ne regardent pas leurs propres fautes à eux, ou les fautes de la population, et l'injustice de la population, et l'ignorance du peuple, et l'injustice du peuple envers eux-mêmes, et envers le dirigeant. Ils ne regardent que l'injustice du dirigeant envers le peuple. Ils regardent l'injustice d'un sens unique. Hein? Comme si le peuple était des anges, et que le seul coupable de l'injustice dans la société, c'était celui qui était à la tête. Mais le problème avec ça, c'est que chaque fois qu'il y en a un autre dirigeant, ils vont dire, ah lui il n'est pas bon, on veut un nouveau. L'autre qui va venir, aussitôt qu'il va être là, ils vont commencer encore une fois à le critiquer, parce qu'il ne sera jamais comme et eux ils le veulent. Chaque fois ils vont lui trouver des fautes, et des excuses et des raisons pour le critiquer. Ouais. Donc ça c'est la voie de ces gens-là. Donc si ce dirigeant, il a du bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas, il ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui. Mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Ce dirigeant-là, il n'a pas commis de shirk, akbar, il n'a pas commis de kuf, akbar, il a commis des péchés, il désobéit à Allah, il n'est pas un bon musulman, mais tu l'obéis dans le bien. Tu continues à l'obéir dans le bien, mais dans le haram, dans le mal, tu ne l'obéis pas. Et ça, c'est pour le bien de la umma et des musulmans, pour les garder unis. « وَلِهَذَا لَمَّا قِيلَ لِبَعْدِ الْأَئِمَّةِ إِنَّ فُلَانًا فَاسِقٍ لَكِنَّهُ قَوِي وإن فلانا صالح ولكنه ضعيف أيهما يصلح للولاية؟ قال الفاسق القوي لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين. أما هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين. الشيخ الذي lorsqu'on a demandé à certains parmi les imams de l'islam, les savants de la umma, on leur a demandé un tel parmi les gens, c'est un dirigeant, mais hein, il est pécheur, mais il est fort. Il a une force, force de caractère, force de personnalité, fort physiquement. Il a beaucoup de force en lui, il est courageux, mais il est pécheur, il n'est pas un bon musulman. Tandis que l'autre, il est pieux, hein, c'est un adorateur, c'est un homme pieux, il est juste, il est bien, mais il est faible. Il a une faiblesse dans sa personnalité, une faiblesse dans son corps, dans sa personnalité, dans sa personne. Lequel des deux on met de l'avant comme dirigeant? Ils ont répondu, ils ont dit, le pécheur qui est fort, il est meilleur. C'est lui qu'il faut, dans le sens qu'il faut mettre lui de l'avant comme dirigeant. Parce que son péché, c'est contre lui-même. Mais sa piété, son péché, c'est contre lui-même, mais sa force est pour les musulmans. Sa force, tous les musulmans vont en profiter. Et son péché, ça va nuire que lui au jour de la résurrection. Tandis que celui-là qui est pieux, sa piété, c'est pour lui-même seulement. Quand il fait son jeûne, quand il fait sa prière, c'est pour lui. Mais sa faiblesse va nuire à tous les musulmans. Donc celui qui est fort, il est plus bénéfique, plus profitable pour les musulmans que celui qui est faible mais qui était pieux. Hein? Et donc ça c'est un point très important à prendre en considération. فيسمع له ويطاع وإن كان فاسقا في نفسه بل وإن جار وإن ظلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها ولأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة البقاء على طاعته وهو عاصم لأن في الخروج عليه سفكا للدماء وإخلالا بالأمن وتفريقا للكلمة. Donc le chef il dit on doit l'écouter et on doit l'obéir même si c'est un pécheur en lui-même et même si il fait de l'injustice et de la tyrannie hein, et même s'il est injuste tu dois l'écouter et l'obéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des paroles à ce sujet-là, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim. Il a dit, tu obéis, tu écoutes et tu obéis, même s'il prend tes biens, même s'il frappe ton dos, tu écoutes et tu obéis. Hein? Donc ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un bien pour les musulmans. Et le bienfait, il est plus grand que le méfait qui te revient à toi, dans ta personne. Tu te dis, ouais, mais moi je vais souffrir, il va m'enlever mes biens, il va m'enlever mon argent, il va m'enlever ma... il va me frapper, il va me faire du mal. Oui, ça c'est un mal, il n'y a pas de doute que c'est mal, il n'y a pas de doute que c'est une injustice, il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala déteste cette injustice, il n'y a pas de doute que celui qui fait cette injustice-là, il va être puni et jugé par Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection pour cette injustice-là. Sauf que le bienfait de l'obéissance et de l'unité des musulmans est plus grande et plus importante que le petit méfait qui peut atteindre toi dans ta personne. Hein? Et ça, ça passe devant. Et ça, c'est une qa'ida, c'est une règle dans l'islam. Que s'il y a un grand mal et qu'il y a un petit mal, eh bien, tu vas mettre de côté, tu vas faire passer devant le petit mal devant le grand. C'est mieux d'avoir un petit que d'avoir un grand mal. Si tu as le choix entre deux mal, deux choses qui sont mauvaises, deux choses mauvaises, tu fais passer celle qui est plus petite, tu la prends, c'est mieux que de prendre la grande. Ça c'est une règle dans l'islam. Hein? Toujours, akhafu ad-dararain. S'il y a une maslaha qui est grande et une mafsada, tu vas prendre toujours la maslaha en premier. Hein? Tu vas repousser la mafsada. Et la mafsada dans ce cas-là, elle est grande par rapport à l'autre mafsada, de te faire frapper ou de te faire prendre tes biens. Hein? Donc tu dois prendre ces choses-là en considération. Tu ne regardes pas juste ta personne. Il y a des gens, c'est comme ça, souvent c'est comme ça, ils ont eu des mauvaises expériences. Ils ont souffert de la part de certains dirigeants ou de certaines organisations dans certains pays musulmans du fait que on ne leur a pas donné leurs droits, on ne leur a pas donné la justice, et ils ont la rage, ils ont la colère contre l'autorité, à cause de ça. Ils disent, ah, ils m'ont fait du mal. Et ils veulent se venger à tout prix. Hein? Ils veulent se venger à tout prix. Garde ça pour le jour de la résurrection. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, lorsqu'il y allait avoir justement de l'injustice, hein? on lui a demandé la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Si, ils ont dit, si on nous demande de donner, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de donner, mais qu'est-ce qui nous est dû, on ne nous le donne pas. Notre droit, on ne nous le donne pas. Mais on demande notre dû. Hein, on nous demande de donner ce qu'on doit donner d'obligation, comme obligation. Ils l'exigent de notre part. Mais qu'est-ce qu'eux doivent nous donner? Ils ne nous donnent pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, تؤتون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous donnez ce qui est dans votre obligation, votre devoir de donner, ça vous le donnez à celui à qui ça revient. Mais ce qui vous revient à vous comme dû, votre droit, vous le demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, hein, dans ces situations-là, dans ces cas-là, s'il y a de l'injustice et qu'on ne vous donne pas. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, chacun au jour de la résurrection, il va être jugé pour ce qu'il a fait lui. Toi, tu vas être jugé pour toi, ce que toi tu as fait, est-ce que tu as donné ton droit, tu as respecté tes obligations? Tu vas être jugé pour ça. Le dirigeant, il va être jugé pour lui aussi. Il va pas être jugé par rapport à toi, il va être jugé par rapport à lui, ce qu'il a fait comme, qu'est-ce qu'il avait comme obligation et comme responsabilité. S'il n'a pas respecté sa responsabilité, Allah va lui demander des comptes au jour de la résurrection, et toi tu ne seras pas puni pour lui, et lui il ne sera pas puni pour toi. Toi tu seras récompensé si tu as fait ce que tu devais faire, et lui il va être puni s'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Chacun aura ce qu'il mérite. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Quelqu'un n'aura pas apporté la charge et le poids de quelqu'un d'autre au jour de la résurrection. Donc, toi, il y en a qui disent, ah lui, il ne m'a pas donné mon droit, donc je ne lui donne pas son droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, ce n'est pas comme ça. Il ne t'a pas donné ton droit, toi tu lui donnes son droit. Même si lui, il ne t'a pas donné ton droit. Parce que lui, il va être puni pour ce qu'il n'a pas fait correctement. Et toi, tu vas être récompensé pour ce que tu as fait correctement. Chacun sera jugé pour ce qu'il a fait lui. Hein? Et tu ne seras pas jugé ou puni pour un autre. Et ça, c'est, ça veut dire que chacun d'entre nous, on est responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait devant Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce que les autres nous font. Hein? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est ce qui est enseigné de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sunna, contrairement à ceux aujourd'hui qui nous appellent à la désobéissance et au rejet de l'autorité du dirigeant musulman. وماذا حصل للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمور؟ مما قصه التاريخ. ماذا حصل لما نازغة من الشذاذ في عهد عثمان رضي الله عنه قاموا وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير المؤمنين عثمان؟ ماذا حصل على المؤمنين من النكسات إلى الآن بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله بسبب الخروج وبسبب قتله؟ فلا يزال المسلمون يعانون من النكسات المتوالية والمفاسد وكذلك في حق بقية الولاة الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية أخف من مفسدة الخروج عليه ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ما لم يخرج عن الإسلام ولو كان فاسقا ولو كان ظالما فإنه يصبر على هذه المفاسد الجزئية درءا للمفسدة العظيمة وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما وهذا شيء معروف وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا كانت المفسدة في الخروج عليه أعظم من المفسدة في الصبر على طاعته. يا دي جان aujourd'hui quand ils entendent cette دعوة au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf al-salih il dit là, ces gens-là, ils sont payés par les tawarit, comme ils les appellent dans les gouvernements musulmans. Ce sont des serviteurs, des injustes, hein. Ils travaillent à leur solde. Ils sont payés par eux, ce sont des agents du gouvernement. C'est comme ça qu'ils disent, hein. Comme si on avait un salaire pour enseigner par rapport au fait de dire la vérité de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. De la part des hommes. Nous, on n'attend pas le salaire de personne parmi les hommes. On attend le salaire que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et quand on dit la vérité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran et de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la Sunna, et bien dans ce cas-là, c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on attend seulement. Et on n'essaie pas de dire ça pour faire plaisir à un dirigeant ou à un roi ou à un président. Pas du tout. On enseigne ces choses-là aux musulmans et à nous-mêmes et à nos frères et à nos sœurs en islam pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pas pour faire plaisir à personne parmi les créatures. C'est pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est ça sa religion. Que ça fasse plaisir aux khawarij ou que ça leur fasse pas plaisir, ça c'est leur problème. Hein? Déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens de l'enfer. Kilab ahl al-nar. Hein? Il a appelé les khawarij les chiens de l'enfer. Eux, ils ne sont pas satisfaits, ça c'est leur problème. Nous, qu'est-ce qui compte, c'est qu'on apprenne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça ne fait pas plaisir aux chiens de l'enfer. Donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est arrivé, c'était quoi le résultat du fait que certains des musulmans, ils se sont révoltés contre leurs dirigeants. Ils se sont rebellés contre ceux qui étaient au pouvoir. C'était quoi le résultat dans l'histoire, quand on analyse l'histoire? C'était quoi le résultat? Est-ce qu'ils ont tiré quelque chose de bien de cet exemple, de ces attitudes-là, de ces comportements? Hein? On voit que ces attitudes singulières de la part de ces gens-là, lorsqu'ils sont sortis, depuis l'époque de Othman, radiallahu anhu, ils ont appelé les gens à se rebeller contre lui, commencer à énumérer des choses qu'il lui critiquait. Il disait, ah, il faisait telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Il l'accusait de certaines choses. Et ils ont propagé ça parmi les gens innocents, ignorants. Et les gens ont commencé à écouter ses paroles et à se regrouper ensemble pour aller se rebeller contre Othman, radiallahu anhu. Ils ont désobéi à Othman, radiallahu anhu, jusqu'à ce qu'il le tue. Hein, se sont rassemblés autour de sa maison et ils l'ont assassiné. Hein, radiallahu anhu. Et ça, c'est le premier exemple de rébellion qui est apparu dans la Ummah. Et à cause de cet exemple, toutes les fitnes qui sont arrivées par la suite entre les musulmans, c'est à cause de cette première fitna à l'époque de Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Du fait qu'ils ont suivi cette voie d'égarement et d'ignorance. Hein, et c'est ça ce qui a amené par la suite tous les malheurs que la Oumma a connus jusqu'à aujourd'hui. On continue à vivre les conséquences de cette fitna, de cette première fitna, parmi la fitna qui a touché Othman radiallahu anhu. Donc tous les malheurs jusqu'à aujourd'hui, c'était à cause de ça. Parce qu'ils ont appelé les gens à la révolte et à la rébellion contre lui et ils l'ont tué à la suite. Donc quand tu vois des musulmans aujourd'hui, j'en ai rencontré un. Ici, à Montréal et ailleurs, hein, on discute avec eux, ils commencent à critiquer. Ah, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Les dirigeants, tel gouvernement, hein. Et puis après, je lui ai dit, Afi, les gens qui parlent comme toi, tu parles. C'est exactement comme les gens qui parlaient de cette façon-là à l'époque de Othman ibn Affan. Hein. Et il dit, non, Rachid, tu ne peux pas comparer Othman ibn Affan à des gouvernements d'aujourd'hui. Hein? Tu ne compares pas Othman, radiallahu anhu, le grand sahabi, Zunnourain, avec les dirigeants d'aujourd'hui. Je lui dis, Rachid, dis-toi une chose. S'ils ont été capables de le dire à propos de Othman, ils sont capables de le dire à propos de n'importe qui. Parce qu'il fait partie des meilleurs de cette Ummah. Si lui, il n'était pas épargné, qui va être épargné à part lui? Hein? Qui peut se comparer à lui? Alors ça, c'est l'exemple. Cet argument qu'il a ramené, c'est un argument contre lui. Hein? Donc ça, c'était très important de leur faire comprendre ce point-là. Hein? Que ceux qui étaient capables de tuer Uthman, radiallahu anhu, et de l'assassiner, hein? Un qui est parmi les 10, parmi les Mubashirin, de l'Jannah, Zunnurayn, celui à qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné deux de ses filles en mariage, et il lui a dit que les anges étaient gênés en sa présence, hein? Et non seulement ça, il a dit, si j'avais une autre fille à te donner en mariage, je te l'aurais donnée. Donc c'est pour des exemples. Ça c'est le troisième parmi les Khulafa al-Rashidin, ils ont été capables de l'assassiner de cette manière, hein, de cette façon lâche et traite, hein, alors qu'il leur avait donné leur allégeance, il lui avait donné leur allégeance. Malgré tout ça, ils ont été capables de trouver en lui des arguments ou des fautes pour essayer de le critiquer, pour essayer de le tuer et de se rebeller contre lui. Alors, qui peut en être épargné? Aujourd'hui encore, on souffre de ces conséquences-là. Et donc, c'est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de nos dirigeants dans l'islam, c'est d'être endurant dans leur obéissance, parce que s'il y a un mal en eux, ou un méfait, un mal quelconque qui est partiel, eh bien, il est moindre ce mal par rapport au mal de se rebeller contre lui et de faire la révolution, hein, comme ici par exemple en France. Tout le monde connaît l'histoire de la Révolution française, hein. Soi-disant avant il y avait de l'injustice, soi-disant avant il y avait ça, il fallait éliminer le roi, éliminer la noblesse, éliminer l'église, l'autorité, pour amener soi-disant la justice, l'égalité et la fraternité, etc., etc., etc. Les beaux slogans. Maintenant qu'ils ont fait cette révolution depuis 1789, est-ce qu'il y a de la justice? Est-ce qu'il y a de l'égalité? Est-ce que c'est fini l'injustice? Est-ce que tout le monde mange à sa faim? Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce qu'il n'y a plus de malheur? Est-ce que tout le monde est satisfait? Encore aujourd'hui, les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne seront jamais satisfaits. Hein? On a remplacé les rois par d'autres choses. On les appelle plus rois, mais ils sont quand même la même chose qu'avant. On critiquait des choses, alors qu'aujourd'hui, si on analyse la société, on remarque que c'est encore la même exacte chose. Sauf qu'on a juste changé les titres, on a juste changé les mots et les noms et les appellations. Mais la réalité reste encore la même. On a juste changé les têtes. Hein? Et c'est ça ce qui se passe. Est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que maintenant c'est mieux qu'avant? Allahu a'lam. Mais c'est à nous de comprendre que ça n'a rien amené de meilleur. Maintenant, au contraire, on voit que toute personne, comme le cheikh il dit, chaque fois qu'il y a eu une rébellion, une révolution, ça n'a jamais ramené plus de bien, ça a ramené plus de mal. Hein? Et je ne sais pas, peut-être parmi vous, certains ont étudié la révolution française, certains ont étudié qu'est-ce qui s'est passé après. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après Napoléon qui s'est déclaré empereur, et d'autres choses après qui sont arrivées, on a enlevé le roi, on a ramené l'autre, on a ramené d'autres choses et d'autres problèmes. Mais ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de comprendre notre manhaj, de comprendre notre islam, de comprendre qu'est-ce qui est dans le Coran, de comprendre qu'est-ce qui est dans la sunna. Et de s'écarter de la voie de la jahiliya, et des gens de la jahiliya, et des gens qui s'éloignent de ces enseignements de l'islam, qui nous enseignent d'écouter, d'obéir dans le bien, et de respecter ceux qui sont au pouvoir. De pas se moquer d'eux, ou de les rabaisser, de les humilier, ou de les insulter publiquement, de leur chercher des fautes, de les mentionner en public, hein, pour créer des dissensions, des insatisfactions, pour amener par la suite à des résultats comme on connaît maintenant. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'obéir aux dirigeants tant qu'il n'est pas sorti de l'islam, même s'il est pécheur, hein, parce que son injustice, hein, même son injustice est contre lui-même. Donc tu fais preuve d'endurance pour repousser le plus grand mal. Et ça c'est une chose connue, comme on l'a expliqué. Après le cheikh il dit « wa hadha farqun » هذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور. أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور، يرون ذلك الذلة. وأما الإسلام فإنه أمر بطاعة ولاة الأمور لولاة أمور المسلمين، وإن كان عندهم شيء من الفسق في أنفسهم أو عندهم ظلم للناس يصبر عليه أو يصبر عليهم، لأن في ذلك مصالح للمسلمين، وفي الخروج عليهم مضار للمسلمين أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام. هذه القاعدة العظيمة التي جاء بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. أما أهل الجاهلية كما سبق لا يرون انعقاد ولاية ولا يرون سمعا ولا طاعة، ومثلهم الأمم الكافرة الآن الذين يقولون بالحريات والديمقراطيات. ماذا تكون مجتمعاتهم الآن؟ همجية بهيمية، قتل وسلب وفساد وأعراض وشر واضطراب أمن، وهم دول كبرى وعندهم أسلحة وعندهم مدمرات، ولكن حالتهم حالة بهيمية والعياذ بالله، لأنهم باقون على ما كانت عليه الجاهلية. الشيخ كيسكيلزي يقول هذا هو الفرق بين الناس الجاهلية والإسلام. الناس الإسلام هذا هو موقفنا بالنسبة للمديرين. الناس الجاهلية لا يرون أي obéissance aux dirigeants. Ils considèrent que c'est de l'abaissement, de l'humiliation. Hein? L'islam, il nous ordonne d'obéir aux dirigeants des musulmans, même s'ils ont un peu de péché ou d'injustice en eux-mêmes, hein? Des choses de ce genre, on fait preuve de patience. Et on donne la nasiha. Ça, c'est important aussi. T'aimes pas quelque chose que le dirigeant fait, tu peux pas juste te plaindre. Ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Hein, tu te plains ou bien tu critiques, tu critiques, tu critiques. Toi, tu veux le bien, n'est-ce pas? Tu veux le bien pour toi-même et tu veux le bien pour tes dirigeants. Alors tu vas les voir, ou bien tu leur écris, ou bien tu essaies de le faire passer par quelqu'un pour leur donner le bon conseil. Tu vois quelque chose qui n'est pas correct dans la société, quelque chose qui n'est pas correct dans l'administration, quelque chose qui n'est pas correct dans quoi que ce soit que tu vois dans la ville, ou dans la gestion, ou dans peu importe quelle autre chose. Fais le commentaire, tu fais la nasiha entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala pour plaire à Allah, pour le bien, la nasiha. Pas pour te faire remarquer, pas pour critiquer, pour montrer que tu critiques mieux que les autres ou plus fort que les autres ou que tu es plus courageux que les autres, non. Pour plaire à Allah, tu donnes la nasiha. Hein? Et s'ils t'écoutent et qu'ils respectent ou qu'ils implémentent la nasiha que tu leur as donnée, c'est un bien pour toi, tu auras la récompense d'Allah pour ça. Parce que tu l'as fait sincèrement pour Allah et pour avoir la récompense, pas du dirigeant, la récompense d'Allah au jour de la résurrection. Et s'il ne t'écoute pas, il ne respecte pas ta nasiha, eh bien tu as fait ton devoir. Et au jour de la résurrection, tu seras récompensé. Et tu as fait tu as fait ce qui était obligatoire pour toi, tu as rempli ton devoir. C'est ça la nasiha, c'est ça la sincérité. C'est ça le bon conseil dans l'islam. Hein? C'est pas juste de critiquer, de te plaindre, de parler fort, de critiquer les gens les dirigeants devant les gens, non? Ça c'est pas la nasiha. Donc le cheikh il dit, tu fais preuve de patience. Et ça c'est pour le bien des musulmans. Parce que le fait de sortir contre eux, ça amène un plus grand mal que le mal de subir les petites déviations qu'ils peuvent avoir qui ne le fait pas sortir de l'islam. Donc ça c'est une grande règle dans l'islam. Et tandis que les gens de la Jahiliya, eux, comme on a vu, ils ne considèrent pas aucune autorité, aucun gouvernement, aucun État, hein, aucune obéissance, aucune écoute, hein, comme l'État des nations mécréantes actuellement. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de liberté, hein, de droits et libertés. Enfin, c'est que de ça qu'ils parlent. On a des droits, on veut nos droits, on veut nos droits, on veut nos droits. Où est-ce qu'ils sont les responsabilités? Où est-ce qu'ils sont les devoirs? il n'y a pas de devoir pour eux, c'est pas important les devoirs. Qu'est-ce qu'eux ils doivent faire comme responsabilité, comme devoir envers Allah, envers la société, envers leurs proches, les gens autour d'eux, pour eux ça compte pas. Qu'est-ce qui compte pour eux, c'est leurs droits seulement. Hein? Le droit de ci, le droit de ça, le droit de ça, le droit de ça. Que des droits. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils appellent les démocraties, hein? C'est-à-dire, on vote, on choisit un dirigeant, hein? On fait des élections, des groupes, des partis, on divise les gens, puis on les fait voter. Soi-disant, du moment que tu as fait ça, ça y est, tu as rempli ton devoir. Et il dit, mais regardez l'état de leur société actuellement. Regardez l'état de leur société actuellement. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez de la démagogie? Hein? Vous voyez de la démagogie, vous voyez de la bestialité même des fois. Beaucoup de manifestations, de choses qui sont les plus basses que le niveau de l'animal. Des meurtres, le niveau de crime, le pourcentage de criminalité dans les sociétés occidentales, il est le plus élevé dans tout le monde entier. C'est dans ces sociétés-là où on trouve le plus haut niveau de criminalité. Des voleurs, des brigands, des violeurs, des agresseurs, des harceleurs, tout ce que tu peux imaginer, les prisons sont remplies, hein, ici en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, des fois, il y a tellement que les prisons sont remplies à craquer, ils sont obligés de construire des nouvelles prisons, il n'y en a pas assez, hein. Les meurtres, les crimes, la drogue, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont des fléaux partout dans les sociétés soi-disant libérales ou occidentales, on appelle à ces choses-là. Hein? La dégradation des mœurs et l'immoralité, ça on n'a même pas besoin d'en parler, des exemples comme ça, nous on est témoins. Le cheikh il parle de ça, il est là-bas en Arabie Saoudite, il parle de sociétés ici, nous on est témoins avec nos deux yeux, avec nos deux oreilles, on le voit, il y a devant nous ce dont le cheikh il parle. Pour nous, pour lui c'est des choses qu'il a entendues peut-être seulement, il a lu ça dans les journaux, il a lu ça dans des livres, nous on le voit avec nos propres yeux, on est témoins, et on est nés ici, donc on le sait mieux que personne, hein. Donc ça c'est pas des blagues, et le cheikh ce sont des... Hein, ce sont des états où il n'y a pas de sécurité, il y a beaucoup de mal. Moi j'ai vu ici en France, c'est une des choses qui m'a frappé, je ne sais pas si c'est pour vous, il y a l'Inch'Allah, c'est quand on rentre dans les appartements des gens, ici en France, il y a des grosses portes épaisses comme ça, en métal, yani, avec des trucs pour barrer, pour verrouiller les portes, on dirait que c'est des portes blindées. Hein. Je dis, mais pourquoi vous avez des grosses portes comme ça, hein? Parce que, mon frère, tu sais, ici, les gens, ils volent, les gens, ils viennent, ils cassent les portes, ils rentrent à l'intérieur, ils font ci, ils font ça. Chez nous, il y a les petites portes en bois, là. Si le vent souffle, peut-être, la porte va se casser, allez. Ça, c'est des choses qui m'ont surpris, ici. Hein? Mais c'est pour dire, c'est parce que les gens sont habitués qu'il y ait des vols et de l'injustice. Il n'y a pas de sécurité. Les gens, ils n'ont pas confiance. Peut-être qu'ils n'ont même pas confiance en leur propre voisin qui est juste en face. Peut-être que c'est lui qui va venir dans leur appartement prendre leurs choses. Il n'y a pas de sécurité dans des sociétés comme ça. Et la bestialité, des choses comme ça, en tout cas, toutes sortes de choses que tu ne peux pas imaginer. Ça, c'est des États, des grands pays, des grandes puissances mondiales avec des armes nucléaires, des forces, des armes de destruction massive, comme ils appellent. Ça, c'est rempli. Et malgré tout, tu vois, l'état des gens, c'est comme ça. Et ils se demandent, hein, souvent les gens d'ici, allez, les chrétiens et les juifs, ils se posent souvent la question, pourquoi on ne nous aime pas, ou pourquoi on nous voit d'un mauvais regard? Ils ne réalisent pas. Moi, je me souviens, par exemple, avant l'islam, avant d'être musulman, je regardais la télé, j'écoutais les nouvelles, les choses comme ça, on nous montre toujours les pays du tiers-monde, comme ils les appellent, pays africains, le Moyen-Orient, les autres pays. Et on nous montre le monde à travers les yeux de cette civilisation ici. Et on nous apprend à juger le monde par rapport aux valeurs des gens d'ici. Et un jour je me suis dit, pourquoi j'apprends à regarder le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre? Pourquoi je ne sais pas apprendre à regarder le monde avec mes propres yeux et à juger ce qui se passe dans le monde selon d'autres valeurs que les valeurs qu'ils veulent m'imposer? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réfléchi. Et même si j'étais pas musulman, hein, mais j'avais quand même lu beaucoup de choses dans la Bible, et je voyais bien que c'était en contradiction avec ce qu'ils prêchent, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils font. La fornication, c'est interdit dans la Bible, hein, l'adultère, c'est interdit dans la Bible, l'homosexualité, c'est interdit dans la Bible. Et quand tu regardes leur société, tu vois qu'ils défendent ces choses-là et qu'ils les justifient. Hein? Donc quand tu regardes ça et tu dis, ben, comment ça se fait, vous dites vous êtes chrétien, vous êtes juif, et puis vous défendez ces choses-là alors que c'est interdit dans votre livre? Ça fait réfléchir. Et après, quand on analyse plus, on commence à réfléchir, on apprend. Et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Hein? Alhamdulillah, il nous a guidés à l'islam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde sur cette voie. Mais ces gens-là ici, ils réfléchissent pas comme ça. Ils ne sont pas appris à réfléchir comme ça, parce qu'on ne leur a pas appris à juger selon la révélation d'Allah, selon les enseignements qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jugent selon leur passion, selon leurs désirs, selon leurs opinions personnelles, mais ils ont mis de côté la révélation qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont dans l'aveuglement et dans l'égarement. Parce qu'ils restent, comme le cheikh dit, leur état est comme ça parce qu'ils veulent rester dans la jahiliya. Et ils refusent de voir le bien qui existe dans l'islam. Le bien qui existe dans l'islam, il est là devant leurs yeux. Ils le savent, ils le voient. Mais ils refusent de façon orgueilleuse et avec de l'arrogance et de la fierté, kibr, hein, ou l'inad. Ils ne veulent pas l'admettre. Même s'ils le voient devant leurs propres yeux, ils voient l'islam. Ils voient le bien de l'islam, l'ordre, la discipline, le respect de l'autorité, hein, tout ça, pour eux c'est des blâmes, c'est des choses mauvaises, hein, pour eux c'est mauvais. Le chaos, le désordre, la désobéissance, hein, la rébellion, les enfants ils obéissent plus aux parents, hein, il n'y a plus de respect dans la famille, il n'y a plus de stabilité sociale, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cellules familiales, il y a plus, ça c'est pas grave, ça c'est bien pour eux, c'est l'évolution, hein. Pour eux, l'homme est le cousin du singe. C'est un animal évolué. Donc pour eux, c'est pas grave. Ils disent le singe, c'est l'ancêtre commun que l'homme a avec ces bêtes-là. Ils disent que c'est un animal évolué. Donc il évolue. À un moment donné, il avait la famille, les valeurs familiales. Maintenant, c'est dépassé, fini ça. On passe à une autre étape maintenant. Une autre étape de l'évolution. Il n'a plus besoin de famille. Hein? Et souvent, moi, je me rappelle même avant, subhanallah, je leur disais, si vous dites que l'homme vient du singe, ou que l'ancêtre commun des singes et des animaux aujourd'hui, c'est le singe. Et c'est qui l'ancêtre du singe? Le singe, il vient de quel animal? Hein? Il ne parle pas de ça, ils vont jamais reculer plus loin. Mais c'est pour dire rien. Juste ce point-là pour faire comprendre d'où est-ce qu'ils prennent leur morale. Ça, c'est un point important. Quand j'étais jeune, encore une fois, je vous donne un autre exemple. Quand je suis converti à l'islam, bon, avant j'avais enseignement religieux parce que, on était dans la religion catholique, à l'école on a des cours de religion. On avait des cours de religion. Quand je suis devenu musulman, je dis bon, je ne vais pas prendre enseignement religieux, maintenant je vais prendre enseignement moral. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils prennent enseignement moral. Dans le cours de morale, qu'est-ce qu'ils enseignaient dans le livre? C'est écrit quoi? Est-ce que la morale change? Moi, dans ma tête, je comprenais pas. Comment la morale peut changer? Ce qui est bien, c'est bien. Ce qui est mal, c'est mal. Hein? Et eux, ils ont mis une photo dans le livre. Ils montraient dans le passé comment les gens étaient, comme par exemple un garçon et une fille. Pour se rencontrer, il fallait que le garçon vienne à la maison, demander la main de la fille. Le père, il restait derrière, il les surveille. Et ils parlent ensemble en présence du Père. Ça, c'était pas visuellement, même les couffards, ils faisaient ça. Hein? Et ils montrent aujourd'hui une autre photo à côté, les jeunes qui se rencontrent tout seuls dans la rue, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, comme c'est ça. Ils disent, regardez, avant la morale, c'était ça, maintenant la morale, elle a changé. Ils disent, subhanallah, j'ai dit, comment? Ça, c'est pas la morale qui a changé. C'est que les gens, avant, ils respectaient une foi, une croyance, il l'appliquait, et maintenant il l'applique plus, il croit plus, il la suit plus. C'est pas la morale qui a changé la morale, elle reste toujours la même. Mais après, quand tu vas dans leur philosophie, parce que plus tard on a d'autres, on passe à une autre étape, ils ont obligé aux gens de prendre des cours de philosophie à l'école, et bien dans leur philosophie, ils nous enseignent que, en réalité, il y a différentes morales. Hein? Il n'y a pas une seule morale pour eux, il y a plusieurs morales, et c'est des systèmes de valeurs. Et ils se basent sur ces systèmes de valeurs pour juger entre le bien et le mal. Et ils disent que chacun peut avoir sa propre morale. Et c'est comme si tu t'établissais ton système de jugement personnel pour distinguer entre le bien et le mal par toi-même. Hein? Il y a des grands philosophes qui ont établi des systèmes à eux, il y en a qui suivent ces systèmes-là, et il y en a d'autres qui font leur propre morale personnelle et jugent selon leur propre désir, hein, leur propre passion. Hein, ils disent, moi je ne veux pas me laisser imposer une valeur ou une morale qui est imposée par la société, ou par une religion, ou par X ou par Y. Moi je fais ma propre morale. Hein. Et pour eux, la morale religieuse, c'est une morale parmi les morales. C'est pas la morale. Hein. Pour eux, la morale, c'est pas ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que par la suite, quand vous entendez ces gens-là, des fois, qui parlent de la société, ils disent, oui, mais il n'y a plus de morale. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la morale? Ils ne veulent pas dire la morale qui vient dans le Coran et dans la Sunna, le bien et le mal tel que Allah nous l'explique et nous le définit. Ils parlent de selon leur passion, selon leur désir, selon leur philosophie. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre. Comment ils parlent ces gens-là pour justement pas tomber dans leurs pièges et dans leurs égarements. On ramène les gens à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui juge cette morale? C'est qu'est-ce que Allah nous a ordonné de suivre. Et donc pour nous, la justice et la morale, c'est de rester dans les limites de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh il dit, Amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bis-sam'i wa ta'a lahum, wa amara bin-nasihati lahum sirran. وبينهم وبين الناصح أمر بالنصيحة لهم سرا بينهم وبين الناصح أما الكلام فيهم وسبهم واغتيابهم فهذا من الغش لهم لأنه يؤلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر وهذا من الخيانة لولاة الأمور أما الدعاء لهم وعدم ذكر معائبهم في المجالس فهو من النصيحة لهم ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في نفسه إما مشافهة أو وإما كتابة وإما بأن يوصله من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء وإذا لم يتمكن فهو معذور. Le Cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Il nous a ordonné de leur donner la nasiha en secret. C'est pas tu vas commencer à parler contre eux, à les insulter, à parler dans leur dos, hein, devant les gens, comme il y a certains imams qui le font parfois. Ils montent sur le minbar et ils commencent à critiquer les gouvernements et les dirigeants. Hein. Et ça c'est contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contraire à l'exemple des Sahaba, ça fait partie de la tromperie, de la tricherie, de la trahison contre les dirigeants. Et ça ne fait que ramener les gens à avoir de la haine contre leurs dirigeants et à faire réjouir les gens du mal. Hein? Et tandis que l'islam nous ordonne de faire des doigts pour eux et de ne pas mentionner leurs défauts et leurs péchés dans les assemblées. Donc, le dirigeant, tu vas pas mentionner ses fautes devant les gens et tu vas faire des doigts pour eux. Aujourd'hui, il y en a qui considèrent que si tu fais un doigt pour le dirigeant qui est pécheur ou qui est injuste, ils disent « Ah, c'est un traître, c'est un agent du gouvernement. » Donc, hein, la voie que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre, c'est de faire des invocations pour les dirigeants. Le dirigeant fait des péchés, il fait de l'injustice. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de le corriger, de le réformer, de le rendre meilleur, de faire en sorte qu'ils se repentent, qu'ils cessent de faire de l'injustice, qu'ils corrigent ses fautes et qu'ils deviennent un bon musulman, un bon dirigeant, juste et honnête, hein, et qu'ils défendent l'islam, hein, et qu'ils défendent la vérité, et qu'ils soient un défenseur de ce Coran et de la Sunna. Et donc, en faisant des invocations pour lui comme ça, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala va le corriger et le changer, le faire devenir un bon dirigeant, puis par la suite, le bien de ça va retomber sur tous les musulmans. Mais si tu commences à l'insulter, et à faire des doigts contre lui, et à amener les gens contre lui, ça va faire l'effet contraire. Il va devenir pire, plus injuste, plus de mal va tomber sur la umma, hein, et les gens ils réfléchissent pas à ça. Donc, ça c'est la voie de l'islam, et c'est cette voie-là que l'islam nous enseigne. Donc tu vas lui donner la nasiha entre toi et lui, si tu peux, hein, celui qui veut lui donner la nasiha, il lui donne verbalement s'il est capable, ou par écrit, ou bien il donne à quelqu'un le, il y a un message pour lui de lui transmettre s'il est capable. S'il n'est pas capable, il est excusé. Si tu n'es pas capable de lui faire transmettre la nasiha, c'est excusé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas être puni pour ça. أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر وأمام أشرطة يسب ولاة الأمور ويعيبهم وهذا ليس من النصيحة، فهذا ليس من النصيحة وإنما هو من الخيانة لولاة الأمور، والنصيحة لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها على الناس. وكذلك من النصيحة لهم القيام بالأعمال التي يكلونها إلى الموظفين ويعهدون بها إلى الولاة في القيام بها، وهذا من النصيحة لولاة الأمور. الشيخ الزياسيد de s'asseoir dans les assemblées sur le minbar, de faire passer des cassettes où on insulte les dirigeants, on les insulte, on mentionne leurs péchés et leurs fautes. Ça fait pas partie de la nasiha. Ça fait partie de la khiyana. Hein? De même que les gens qui font des manifestations, des marches, des démonstrations, ils sortent dans les rues avec des banderoles, des pancartes, ils crient contre le gouvernement, contre le dirigeant, ça c'est aussi la même chose. Ça fait partie de ça. C'est quelque chose qui est contraire à la nasiha, contraire à la voie des salafs, contraire à l'islam. Et ça c'est les voies de ceux qui veulent suivre l'exemple des kuffars, et qui ne suivent pas le Coran et la Sunna. Quand vous voyez des groupes qui appellent à ce genre de choses, vous savez tout de suite, ces gens-là, ils contredisent la Sunna. Tout de suite, vous savez tout de suite, c'est des gens qui sont en dehors de la Sunna, mais qui suivent des voies autres que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, la nasiha, ça comprend de faire des doigts pour eux, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les rende meilleurs, de couvrir leurs fautes et leurs péchés, de ne pas les divulguer devant tout le monde. Ça fait partie de la nasiha. Et également de remplir les devoirs qui nous ont chargés de respecter et d'accomplir. Toi, par exemple, tu fais partie des fonctionnaires, tu as un travail, tu travailles pour l'État, et ben tu vas pas rester assis dans ton bureau, juste relaxé, puis tu as du travail à faire, tu le fais pas. Non, l'État il me paye, moi je profite. Non, ça c'est une sorte de khiyana. Ça, c'est pas la nasiha. Tu dois faire ton travail comme le dirigeant t'a ordonné de faire ton travail. Tu dois pas faire de riche, tu dois pas faire de richoua, des corruptions, des pots de vin, des trucs de ce genre. Ça, c'est contraire à la nasiha aussi. Et tu fais ce qu'il t'ordonne de faire le dirigeant. D'accord? Donc, ça, c'est, on va terminer maintenant le point de cette mas'ala de Cheikh Ittifun Maqal. رحمه الله وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الصفات أو ببعضها يقول الشيخ رحمه الله وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الثلاث يعني التي تقدم ذكرها وهي المسألة الأولى أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمسألة الثانية أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم. والمسألة الثالثة أنهم لا يخضعون لولي أمر ويرون ذلك ذلة ومهانة. هذه المسائل الثلاث جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب في كلمة واحدة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الأولى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويدخل في ذلك الشرك، ويدخل في الشرك عبادة الأولياء والصالحين. الثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم، وحبل الله هو القرآن، والاعتصام به هو أن تتمسكوا به، فتعملوا بما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، لأن القرآن هو المنهج الرباني الكفيل بمصالح العباد في دينهم ودنياهم. التمسك به رحمة، وعدم التمسك به عذاب وشقاء. والثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين لا ينقادون لولي أمر أو لولي الأمر، وهذا فيه الأمر بالانقياد لولي الأمر ومناصحته وطاعته وعدم الخروج عليه وعدم الكلام فيه أمام الناس وذكر عيوبه ونشر عيوبه بين الناس، لأن هذا من الخيانة لولي الأمر وليس هذا من النصيحة. وإن كان بعض الناس يزعم أن هذه نصيحة، فهذه ليست نصيحة، وإنما هذا تشهير وشر وإلقاء للعداوة بين الوالي والرعية، وليس فيه مصلحة أبدا، بل هو مضرة محضة. ثم بين رحمه الله أن الخلل الذي يقع في دين الناس ودنياهم إنما سببه الإخلال بهذه الثلاث، أو الإخلال ببعضها، وهو الشرك بالله والتفرق والخروج على ولي الأمر. Donc le cheikh il a résumé encore une fois tout ce qu'on a expliqué. Il a expliqué en fait, pour résumer ça, que dans ce hadith, dans le hadith qu'il a mentionné, apporté par Muslim, que Allah a agréé pour vous trois choses: que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, que vous vous accrochiez au câble d'Allah tous ensemble, et que vous ne vous divisez pas, et que vous donniez le bon conseil, la nasiha, à celui d'entre vous à qui Allah a donné le commandement, et que le mal est arrivé dans la Ummah uniquement lorsqu'ils ont manqué dans le fait de respecter ces principes-là ou à une partie de ces principes, et ils ont donc eu des problèmes par la suite dans leur religion et dans leur dunya à cause de ça. Et donc c'est ces trois points-là dont on a parlé dans les trois premières masa'il de Masa'il al-Jahiliya, et le Cheikh il résume ça encore une fois. Donc yani, on a compris avec toutes les explications qu'on a données, tous les exemples qu'on a donnés, j'espère que c'est devenu clair ce principe-là. Ça fait partie des principes qui distinguent les gens de la Sunna des gens de la Bid'a, qui distinguent les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, les gens qui suivent la voie des Salaf, ça nous distingue des Khawarij et des Mu'tazila et des autres Mu'tazila, parce que les Salaf ils disaient Ahl al-Ahwa kulluhum Khawarij, les gens de la Bid'a, les gens de la passion, ils sont tous des Khawarij sans exception, parce que ils se sont tous mis d'accord sur l'épée contre le dirigeant à cause de leur bid'a. Donc ça c'est une distinction entre les gens qui suivent la voie des salaf et les gens qui suivent la voie des mubtadi'a parmi les gens de bid'a. Donc ça c'est important de le comprendre. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en compréhension, en connaissance, en piété, en sincérité, en pureté dans notre adoration, dans notre foi, dans notre croyance, dans notre pratique de l'islam, d'augmenter notre science, et de faire en sorte que lorsqu'on soit ressuscité au jour de la résurrection, on soit parmi les muttaqin, soit parmi les muttaqin. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.